Une expérience de pensée. Imaginez que vos yeux ne distinguent plus les couleurs, que vous n'avez pas un cœur mais trois, que vous n'avez pas un mais neuf cerveaux, que votre corps est souple, votre sang bleu, que vous êtes entièrement équipé de ventouses, que des siphons permettent de vous oxygéner ou de vous propulser, que votre peau détecte la lumière, qu'un de vos membres sectionnés puisse repousser, oui, et que vous n'avez plus deux bras, ni deux jambes, mais huit tentacules. Vous y êtes ? Oui, c'est ça. Essayez de vous mettre dans la peau d'un poulpe et examinez ce que le monde a de différent quand on y vit autrement. Il était une fois dans un lieu à des kilomètres sous la surface de l'océan. Vivait une jeune pieuvre appelée Nina. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Quand j'étais gamin, on m'appelait la pieuvre. C'est pourquoi on m'appelait la pieuvre ? Parce que je savais faire bouger n'importe quel organe individuellement. Hein. Je vais te montrer. De façon indépendante. Regarde, hein. Regardez ça. On dirait que notre insolent céphalopode était juste pas dans le bain. C'est peut-être pas un mauvais bougre après tout. Non. Tu sais que je bouffe du poulpe trois fois par jour et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça n'a vraiment aucune importance. Rien que pour le costume de la pieuvre, ça m'a pris des mois. C'est dingue toutes les tarentules qu'elles ont, ces bêtes-là. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm. Bonjour Vinciane Després. Bonjour Géraldine. Vous êtes philosophe, vous enseignez au département de philosophie de l'Université de Liège et vous êtes l'autrice d'une autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation paru aux éditions Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Alors on a entendu tout un ensemble d'extraits, c'est arrivé près de chez vous, La Nuit au Musée, Scarface, Love Actually, on vient d'entendre les Beatles évidemment. Comment expliquer une telle présence du poulpe qui reste quand même un animal très étrange? Alors, je pense que cette présence, elle est due à sa très grande étrangeté. Je vais dire à la fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la très grande étrangeté et en même temps de la proximité. Alors ça, c'est quand même une chose qui a été reconnue depuis très longtemps. Je veux dire, chez les anciens Grecs, on parlait déjà de l'intelligence du poulpe. Donc je veux dire, c'est pas, vous savez, il y a beaucoup d'animaux et ça fait partie de mon métier que d'étudier ce genre de problème, dont on pensait qu'ils étaient bêtes ou qu'ils étaient moyennement intelligents, et puis dont on découvre, ben non, ils sont brillants, ils sont prodigieux, ils font des choses extraordinaires. Les poulpes, ils n'ont pas attendu. Les recherches les plus récentes de la psychologie cognitive ou de l'éthologie cognitive pour que l'on dise que ce sont des roués, que ce sont des fabuleux prédateurs, que ce sont des fabuleux magiciens, en quelque sorte, puisqu'ils arrivent à leurrer en jouant sur les perceptions d'autrui. Bref, d'un côté, donc, il y a cette capacité d'intelligence que les Grecs reconnaissaient et qu'ils identifiaient à certaines formes d'intelligence humaine, hein, par exemple Ulysse. Ulysse est appelé Polytroupos, hein, c'est celui l'homme aux mille tours, mais c'est le poulpe, c'est celui qui s'en sort. Comme le poulpe, hein, le poulpe, il faut le dire, c'est Polypus, ouais, c'est plusieurs ça. Pieds. Voilà, et c'est celui qui s'en sort dans toutes les situations, qui arrive à ruser, qui arrive à mentir, qui est voilà, bref. Et puis d'un autre côté, c'est une apparence qui est totalement différente de la nôtre. Je veux dire, il y a pas d'ossature, c'est d'une flexibilité absolument incroyable. C'est pas, je veux dire, c'est presque pas ne pas avoir de corps parce qu'ils peuvent prendre. Vous savez, un poulpe peut passer dans un trou à condition qu'il soit un tout petit peu plus large que son œil. Donc ça veut dire que ce corps immense avec cet œil tout petit arrive à se rétrécir. Arrive à se rétrécir et à se faufiler. Donc en fait, il y a un très très joli passage justement dans un livre de Barbara Cassin où elle va faire Donc Barbara Kazan qui est philosophe à l'Académie française. Qui est philosophe à l'Académie française, qui est helléniste, qui est philosophe, je vais dire l'auteur, l'autrice ou la co-autrice du grand dictionnaire des intraduisibles. Et dans sa, elle vient de la publier il y a quelques mois d'ici une autobiographie philosophique, qui est un petit bijou, qui s'appelle Le bonheur, sa dent douce à la mort. Et il y a tout un passage sur à la fois et son mari, à la fois les hommes qu'elle admire, et elle va faire référence aussi à Ulysse. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Elle parle de la mort notamment, mais elle parle aussi de la ruse, elle parle de la manière de faire face aux événements. Et elle dit, c'est celui qui passe là où on ne passe pas. Et ça peut prendre de multiples significations. Et bien, le poulpe, c'est celui qui passe là où on ne peut pas passer. C'est absolument extraordinaire. Et donc, c'est cette espèce d'antinomie entre un physique qui est à certains égards, certains le diront un peu répugnant. Hein. Dégoûtant. Dégoûtant, c'est mou, ça pas de coquille, ça bras. Enfin, oui, mais tentacule. Ça, je veux dire, les éthologistes insistent pour qu'on dise bras, mais en fait, ça c'est tentaculaire. Les yeux, ben, il faut savoir les trouver. Je veux dire, c'est un manteau, ça ressemble un peu à une tête, un peu à un corps. Bref, ça file partout, ça fait peur, il y a des ventouses, il y a tout plus. Tout. On dirait une sorte de grosse araignée gluante de mer. Ben, on pourrait le dire comme ça, oui. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui est à la fois très profondément humain, dans l'intelligence, enfin, bien que ce soit pas du tout la même intelligence que nous, mais en tout cas, on reconnaît, on aime les élus, ce que j'appelle les élus cognitifs, c'est-à-dire ceux dont l'intelligence nous surprend, et en même temps, des manières d'être, des manières d'agir et des manières d'être au monde physiquement, qui sont des choses qui nous sont totalement étrangères. Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparés à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. À de certains moments, on serait tenté de le penser, l'insaisissable qui flotte en nos songes rencontre dans le possible des aimants auxquels ces linéaments se prennent, et de ces obscures fixations du rêve, il sort des êtres. L'inconnu dispose du prodige, et il s'en sert pour composer le monstre. Orphée, Homère et Hésiode n'ont pu faire que la chimère. Dieu a fait la pieuvre. Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable. Le pourquoi de cette volonté est l'effroi du penseur religieux. Tous les idéaux étant admis, si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dard, pas de pinces, pas de queue prenante ou contondante, pas d'aileron tranchant, pas d'ailerons onglés, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce donc que la pieuvre? C'est la ventouse. Cette bête s'applique sur sa proie, la recouvre et la noue de ses longues bandes. En dessous, elle est jaunâtre. En dessus, elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou. Ses nœuds garrottent, son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène, c'est de la maladie arrangée en monstruosité. Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, que la science appelle céphalopode et que la légende appelle kraken. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors vous avez ri pendant la lecture de cet extrait, Vinciane Després. Donc je le rappelle, c'est un extrait des Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Deuxième partie, livre 4, chapitre 2, Le Monstre. Ce livre est paru en 1866, on l'a entendu interprété par Hélène Losseur. Et alors vous avez ri, notamment au moment où Victor Hugo écrit « Chose épouvantable, c'est mou ». Oui, je veux dire, c'est un texte assez extraordinaire. Hein. Je l'avais relu grâce à la préparation de l'émission. Et chaque fois, et en réentendant, je ris sur d'autres choses. C'est mou, je n'avais pas ri quand je l'avais lu parce que c'est l'intonation qui d'un seul coup fait comprendre à quel point ce texte est très sophistiqué. Et puis il tombe sur cette espèce de constat d'une platitude incroyable. C'est mou. Voilà. Mais en même temps, il n'y a rien de plus dur que le mou. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus effrayant que cette masse visqueuse qui nous fait face et qu'on n'arrive pas à saisir, qui déborde de partout. Ah oui, mais c'est là où Victor Hugo excelle, hein, je veux dire, c'est qu'il arrive à enlever tout, je veux dire, à reprendre tout ce qui pourrait être dur chez un être, depuis l'aileron du requin, etc., la dent et tout, et il va tous les citer, et il va comme ça complètement désapproprier le poulpe. Le poulpe, c'est celui qui est désapproprié du dur et qui n'est que mou. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu étrange, mais c'était aussi l'humour de la citation, de l'humour de dire que Dieu avait réussi avec zèle dans l'exécrable. Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable, exactement. Ce qui est intéressant sur cette idée de dépouiller le poulpe ou la pieuvre de tout ce qui en fait quelque chose de qui attaque, qui finalement, en fait, la difficulté de saisir le poulpe, c'est pas seulement qu'il est mou, c'est aussi effectivement qu'il n'a pas véritablement de propriété qui en fait un ennemi. Et pourtant, on le dresse, on en fait un portrait d'un monstre. Ça, c'est surprenant. Alors, c'est surprenant, mais je vais dire ce que Victor Hugo va sentir, finalement, quel est le problème avec le poulpe. Je pense que c'est ça. C'est quand vous dites très justement, donc on va le désapproprier de tout ce qui est... Mais en fait, d'une part, il faut préciser, c'est probablement ce qui lui est arrivé dans l'évolution. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que le poulpe, c'est un peu comme si c'était un choix, d'une certaine manière, de la vie, de se débarrasser de toute forme de dur. Ah, puisque le poulpe a quand même commencé, je vais dire, avec une coquille. Je veux dire, quand on voit son évolution et les fossiles, on voit en effet qu'il y a, à un moment donné, une bifurcation en faveur de la mobilité. Donc, ça veut dire qu'avant, protection mais immobilité. Et donc, ça peut nous faire rêver aussi. Et puis, d'une certaine manière, à un moment donné, abandon de la coquille et mobilité totale. Et quand on parle de mobilité totale, je veux dire, l'abandon de la coquille et l'abandon de tout ce qui est dur chez le poulpe a été radicalisé à un tel point que sa mobilité est elle-même un produit de cette radicalisation, puisque, comme on l'évoquait, passer par le plus petit trou, pouvoir prendre toutes les formes, prendre même toutes les couleurs, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est le poulpe, c'est celui qui est capable de prendre les formes et les couleurs. Il y a un philosophe de l'esthétique qui parle très joliment de cela et qui dit le poulpe est en fait le camouflage, c'est du vol d'apparence, c'est de la capture d'apparence, c'est-à-dire être capable de s'approprier toutes les couleurs de l'environnement, toutes les formes de l'environnement, parce qu'il peut même modifier la texture de sa peau pour ressembler à un rocher, pour ressembler à du sable, pour ressembler à des algues. Et tout ça, Victor Hugo va en faire un objet de frayeur. D'ailleurs, je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'historiquement, on ne parlait pas de pieuvre avant Victor Hugo. C'était l'octopus ou le poulpe. Et là, le mot pieuvre va s'imposer comme justement dénomination de l'animal, une des possibilités de dénommer l'animal, et qui va faire référence à cette frayeur du mou, en effet, à cette frayeur de tout ce qui nous échappe et en même temps peut nous étouffer. Et puis il y a cette idée quand même de poulpe et de pieuvre qui est monstrueuse, et le monstre c'est vraiment ce qui fait écart avec nos normes. Or effectivement, non seulement le poulpe, vous l'avez dit, s'est désapproprié dans son évolution, donc avec quelles normes fait-il écart, ou en tout cas il se définit essentiellement négativement, donc comment le définir de manière positive. Et puis effectivement, c'est aussi une manière pour nous de dérégler nos normes. C'est-à-dire que face au poulpe, nous-mêmes, on se dit, mais quels sont nos canons de représentation d'un corps, deux bras, deux jambes, une tête, des yeux qui voient, une peau qui reste de la même couleur. Il nous oblige, le poulpe, à revoir, à bouleverser nos normes. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a plu terriblement chez le poulpe, c'est que c'est l'animal par excellence, c'est pas le seul, non moral. Je veux dire, il démoralise le monde. Alors, on va prendre un exemple, on peut le faire même sur un mode un peu ou philosophique. Mais ou espiègle. Ou espiègle, oui, je crois que c'est plutôt le mot qui conviendrait plutôt que philosophique ici dans ce que je vais faire. C'est par exemple, alors il y a un joli petit livre de Wilhelm Flusser qui est un philosophe de langue allemande et qui va écrire un livre qui s'appelle Vampirotötis. Et il fait clairement allusion à l'être poulpesque, le Vampirotötis infernalis étant un être poulpesque, moitié inventé, moitié réel. Donc c'est un mélange. Et il va dire à un moment donné, en fait, la philosophie dont nous héritons des Grecs, quelle est-elle? Hein? Ben c'est la philosophie, c'est la recherche de la vérité, c'est une fascination pour la vérité, et c'est-à-dire une horreur de l'erreur, une horreur éventuelle, évidemment, du mensonge. Et là, on va rejoindre aussi ce que Barbara Cassin évoque dans ce passé, là où personne ne passe, là où on ne devrait pas passer. Et qu'est-ce qu'en fait le poulpe? Ben, si le poulpe devait avoir une philosophie, bien sûr, le poulpe n'aurait pas de philosophie. La philosophie est une invention grecque. Le poulpe pourrait ne projetons de pas des propriétés anthropomorphes. C'est pas anthropomorphe ici. C'est plutôt local. Je veux dire, la philosophie, c'est un problème qui nous vient des Grecs. Je vais dire, est-ce qu'on parle de philosophie chinoise ou de pensée chinoise? Est-ce qu'on doit faire entrer la pensée chinoise dans les canons de ce qui sont ceux de la philosophie grecque? Est-ce qu'on ne perd pas quelque chose qui est de l'originalité, de la richesse de la pensée chinoise? Enfin bon, ça c'est un débat. Donc est-ce qu'on doit donner une philosophie au poulpe? Peut-être pas. Ce serait plutôt une pensée qu'on pourrait donner au poulpe, mais une pensée qui s'apparaîtrait, qui serait la cousine en quelque sorte de cette philosophie grecque. Sauf que cette pensée, tout serait inversé. Puisque le poulpe, finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est de leurrer. Donc sa philosophie ou sa pensée, ou son système de pensée, serait mentons le mieux possible, leurrons le plus possible, trompons le mieux possible, faisons feu de tout bois, enfin c'est dans l'eau, mais bon, voilà, pour pouvoir leurrer, à la fois échapper aux prédateurs, parce que c'est ça son problème, et à la fois réussir à me nourrir. Eh bien, le poulpe, je vais dire, son obstination, d'une certaine manière, l'ennemi philosophique du poulpe, c'est la vérité, et son meilleur allié, c'est ce qui lui permet de mentir, et de mentir toujours plus et mieux. Et ça, c'est quand même extraordinaire, c'est vraiment, d'une certaine manière, un renversement qui démoralise complètement notre rapport un peu fasciné à la vérité. Et ça m'intéresse, moi, un animal qui, d'une certaine manière, instabilise et secoue notre rapport un peu fasciné à certaines formes de vérité. Une langouste appétissante dans un bocal de verre fermé par un bouchon va maintenant servir à évaluer l'intelligence du poulpe en liberté. Comment peut-il arriver à atteindre sa nourriture préférée, bien enfermée dans un bocal? Ce qu'il y a, c'est que le poulpe, qui paraît être un animal dont l'équipement psychique ou nerveux est assez réduit, est en réalité un animal très intelligent, qui a une mémoire, qui comprend très bien, qui reconnaît, et nous avons fait une expérience notamment qui est assez étonnante, qui consiste à lui descendre un bocal dans lequel il y a une langouste, et à lui faire ouvrir ce bocal. Il est tout à fait capable, il a mis 2 heures quand même à comprendre, mais il est tout à fait capable d'enlever le bouchon et de manger la langouste. Eh bien, quand on pense aux difficultés qu'on a à apprivoiser ou à obtenir quelque chose de certains animaux, à les dresser, là, le poulpe a montré, au contraire, qu'il était très malin et qu'il comprenait parfaitement. Alors mais il ne fait que ce qu'il veut. On vient d'entendre, la voix de Philippe Diol. C'était dans un reportage de 1973. Donc là, on est dans l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau. Alors, on a entendu le poulpe. Alors, j'ai parlé sur la dernière phrase de Philippe Diol, dit « le poulpe fait ce qu'il veut ». Il raconte cette expérience faite que le poulpe parvient à ouvrir, effectivement, un bocal, enlever le couvercle. D'ailleurs, je vous conseille de regarder, il y a des vidéos aussi sur Internet, si vous désirez. Et il dit, bon, le poulpe a quand même mis 2 heures pour ouvrir le bocal. Moi, je pense à ma fille, elle a mis 2 ans pour ouvrir un bocal. Donc finalement, le poulpe, il est quand même très intelligent. Ah, il est d'une intelligence absolument redoutable. Je pense qu'on doit dire redoutable parce qu'il arrive, à faire des choses d'abord absolument extraordinaires, mais en plus, il arrive aussi à faire des choses qu'on désirait qu'il ne fasse pas. Alors, il y a quantité d'anecdotes qui ont circulé dans les muséums où on gardait des poulpes en captivité, dans des laboratoires de recherche, etc., sur cette intelligence du poulpe et comment il pouvait l'utiliser. Comment est-ce qu'il l'utilisait? C'est très difficile, l'interprétation et multiple. Et peut-être que d'ailleurs qu'un poulpe, d'une certaine manière, mérite des interprétations multiples, mérite, je vais dire, des motifs. Autant d'interprétations que de bras. Voilà, autant de motifs qu'il est possible d'en avoir. Alors, par exemple, des poulpes ont réussi, d'une certaine manière, à décourager un laboratoire, un poulpe a réussi à décourager un laboratoire de continuer à le garder en captivité, parce qu'il jetait de l'eau, il arrivait à propulser de l'eau au plafond et à crier sur les spots des courts-circuits tellement importants et des dégâts matériels tellement vastes qu'ils ont fini par le remettre à la mer. Alors, est-ce que c'est de l'espièglerie ? Est-ce que c'est un sens extrêmement têtu ? Parce que le poulpe, si on devait le définir, c'est il y a toujours une issue. C'est un personnage de Kafka. Il y a, pas de la bureaucratie, mais du discours à l'académie, c'est il y a toujours une issue. Un poulpe, vous le mettez quelque part, il n'a qu'une idée, c'est de s'évader ou de jouer. Alors, parce que ça, c'est Un animal joueur. Alors, c'est un animal qui, contrairement à nombre d'animaux, continue à jouer jusqu'à très tard dans la vie. Donc, à l'état adulte, enfin, si tant est qu'on peut qualifier un poulpe d'état adulte, parce que qu'est-ce que ça veut dire être adulte? On sait ce que ça veut dire être adulte pour nous, de notre culture, de notre tradition, etc. Enfin, on le sait plus ou moins, mais on sait, en fait, en tout cas, on reconnaît physiquement les adultes. Chez les poulpes, est-ce que c'est un moment de la maturation sexuelle, mais c'est le dernier moment de sa vie à ce moment-là. Mais mettons qu'il soit adulte quand il cesse d'être petit, eh bien, il continue à jouer. On a vu des poulpes, par exemple, dans un aquarium, qui avaient trouvé une espèce de petite bouteille en plastique qui flottait dans l'aquarium. Eh bien, en fait, il y avait une pompe qui soufflait de l'oxygène, oui, et de l'eau dans l'aquarium pour renouveler l'eau. Ben, ils avaient trouvé très très drôle de mettre la petite bouteille dans le jet de la pompe et puis de se la renvoyer et de jouer un peu comme d'une certaine manière au squash contre un mur. Et donc ça, c'est des choses. Et puis de verser de l'eau dans le dos des gens. Par exemple, il y a des poulpes qui avaient pris en grippe un gardien aussi dans un muséum, et qui chaque fois que ce gardien l'a passé, alors qu'il avait le même uniforme que les autres, lui se retrouvait avec deux litres d'eau dans le dos. Donc ce qui est intéressant avec le poulpe, c'est qu'il n'est pas seulement là pour se nourrir, pour évoluer, pour à la limite se protéger ou attaquer, mais c'est véritablement en fait qu'il est là pour même mettre à mal, non pas seulement des normes qu'on a esthétiques, toxicologiques de représentation, taxinomiques, je voulais dire, de représentation des animaux, c'est qu'il est vraiment là aussi pour dérégler des formes de repères métaphysiques qu'on peut avoir, à savoir se dire la vie entre des êtres n'est pas seulement de défense ou d'attaque, donc il y a des repères politiques, mais aussi métaphysiques dans le sens de rationalité. Finalement, au service de quoi est la raison du poulpe ? Ah, ça c'est difficile à dire, mais je vais dire, je pense qu'il faut d'abord multiplier la raison du poulpe. Je crois qu'il y a plusieurs formes de raison chez le poulpe. Il y aura la raison prédatrice, il y a la raison du camouflage, il y a la raison, je vais dire, ce sont des raisons, la raison peut-être sensuelle, il y a une raison sensuelle chez le poulpe, visiblement il goûte les choses, hein. c'est quand même un étrange rapport au monde que d'entrer au monde en le goûtant, c'est quand même toute une cosmologie aussi. Alors, je vais reprendre le jeu par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il déstabilise en effet une certaine conception utilitariste du jeu, et ça c'est formidable. En général, les éthologistes avaient coutume de dire, le jeu, en fait, pourquoi est-ce que les enfants jouent? Parce que ça les prépare à des choses qu'ils vont devoir faire dans le futur. Ça leur permet d'exercer sans danger ou avec moins de danger des choses qui leur seront nécessaires. Les poulpes jouent toute leur vie et ça, visiblement, c'est pas du tout pour se préparer. Donc ça veut dire que le jeu est devenu un acte gratuit, un geste gratuit. Et ça, c'est intéressant de penser, tiens, les biologistes sont contraints par les poulpes et par d'autres aussi à considérer que le jeu est une forme gratuite d'être au monde. Qu'est-ce que c'est que cette forme gratuite? Alors ça devient très intéressant. Pourquoi une forme gratuite d'être au monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le jeu? Mais qu'est-ce que ça fait en jeu? Et c'est très joli parce que philosophiquement, il y a une des définitions du jeu qui dit que c'est l'activité qui émancipe les choses de leur être. Cette petite bouteille en plastique qui flottait au-dessus de ma tête, c'est plus une petite bouteille en plastique. C'est un ballon, c'est peut-être même un objet qui devient animé. Hein, puisqu'on entre dans un rapport d'animation et de co-animation avec cet objet. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a toute une démarche d'émanciper les choses de leur être, de leur faire devenir autre chose qu'elles sont. Et puis, ça c'est pour le jeu. Et puis pour la prédation. Et puis moi je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui était très bizarre finalement. On dit toujours que les poulpes ne sont pas sociaux. et que c'est d'ailleurs ce qui fait une des contradictions par rapport aux théories de l'évolution. On considère que les animaux sont très intelligents, l'intelligence va être favorisée par deux conditions. Un, une vie longue, et deux, une vie sociale relativement compliquée, sophistiquée, dont dépend l'intelligence et qui va favoriser l'intelligence. Vladipak, les poulpes, ils ne vivent que maximum 2 ans. Et Vladipak aussi, qu'on dit qu'ils ne sont pas sociaux, qu'ils ne se fréquentent pas les uns les autres. Alors, comment est-ce qu'on explique cette contradiction? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, d'abord, de remettre en cause ces critères qui sont quand même très anthropocentrés, mais de se dire aussi que ne pas être social, c'est une drôle de définition d'un rapport au monde. Ça veut dire qu'on considère que seront seulement sociaux les animaux qui nouent des relations uniquement avec des êtres de leur propre espèce. Et pourquoi est-ce que la socialité ne serait-elle pas un rapport avec d'autres êtres qui seraient d'autres espèces, en ce compris un rapport prédateur? Pourquoi ne pas imaginer que le rapport aux proies et aux prédateurs est aussi un rapport social, ce qui veut dire un rapport pour lequel on doit composer, pour lequel il faut être malin, pour lequel il faut comprendre ce que l'autre pense, il faut anticiper ses réactions. Bref, un rapport, en effet, qui ressemble terriblement à tous les rapports sociaux au niveau d'une même espèce. Mais ce que finalement nous oblige à faire le poulpe, c'est à nous dépouiller aussi des fonctions qu'on attribue à telle relation, à tel objet, à telle manière d'être. Alors oui, tout à fait, c'est là où le poulpe est extraordinairement intéressant pour nous, je vais faire une utilisation très instrumentale du poulpe pour le moment, c'est-à-dire je l'utilise pour essayer de miner des évidences qui sont les nôtres sur le bien fondé des conceptions qu'on a à propos de ce que c'est que l'intelligence, de ce que c'est que la raison, etc. Par exemple, le poulpe, reprenons l'idée de la raison que vous aviez évoquée, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'intelligence distribuée dans 8 bras? Comment est-ce qu'on voit le monde? Comment est-ce qu'on sent le monde? Comment est-ce qu'on pense le monde? Si distribué dans 8 bras, ça ne veut pas simplement dire qu'on a 8 bras pour percevoir et sentir le monde. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que certains bras pourraient ne pas être d'accord avec la tête. Et donc la tête... Une sorte de débat intérieur, finalement. Alors, est-ce que c'est un débat ou est-ce qu'il n'y a pas de débat? C'est là où nous, on penserait ça sous le terme de débat ou de la délibération. On va faire du poulpe un habermasien, mais je doute que le poulpe réponde à une visée aussi morale que celle d'Habermas. Je vais dire non, il est possible en plus que ça ne marche pas très bien, que les délibérations ne se fonctionnent pas comme ça. Mais pourtant, ils n'ont pas de mouvement contradictoire. On a l'impression justement qu'il y a une sorte d'intentionnalité telle que vous décrivez le poulpe, qu'il agit avec un but, soit de jouer, soit de se défendre, soit de manger, soit de procréer. Donc finalement, il n'y a pas tant de contradictions dans la mobilité du poulpe. Peut-être qu'on ne l'aperçoit pas, et peut-être aussi que dans les situations d'urgence, la coopération s'impose. Et que ce que nous percevons, ce sont les situations d'urgence, c'est-à-dire attraper une proie, ouvrir un bocal, se défendre. Donc ça veut dire des situations qui demandent, allez, bon, il faut le faire. Après, on verra quoi. Mais pour le moment, il faut le faire, faisons face. Alors, parce que je disais, c'est Peter Godfrey Smith, qui est un spécialiste du poulpe, qui est un philosophe, qui a beaucoup, beaucoup étudié les poulpes et qui a publié un livre qui a été traduit en français par, je crois, Le Prince des Profondeurs, avec une très belle préface de Jean-Claude Ameisen, qui disait finalement que les intelligences du poulpe, qu'il fallait considérer ça un peu comme un orchestre d'improvisation de jazz, qui a bien sûr un chef d'orchestre, mais qu'à un moment donné, les musiciens vont accepter de démarrer avec le chef, mais qu'à un moment donné, chacun va en faire à sa tête et va partir sur sa propre ligne d'improvisation. Et ça, c'est aussi intéressant. Comment imaginer une intelligence où on aurait des parties de nous-mêmes qui partiraient sur sa propre ligne d'improvisation et qui dirait au chef d'orchestre, pour le moment, laisse-moi faire. Mais c'est aussi une manière de lutter contre les représentations qu'on a de l'esprit depuis la modernité, du sujet tout puissant avec une tête pensante qui dirige le corps, qui dirige ses membres et qui finalement soumet le reste du monde à sa volonté. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a intéressé. Et quand j'ai essayé donc d'écrire mon autobiographie d'un poulpe, j'ai essayé d'imaginer quelle serait la façon si on devait faire ce que Donna Haraway appelle une communauté du compost. C'est-à-dire, imaginons dans un futur, c'est pas très lointain, son futur, ça commençait déjà en 2022, donc on est presque... Et on y est dans le futur. Voilà, on y est dans le futur pratiquement. Et elle l'imaginait, pour 2022, il y a 3-4 ans d'ici, donc on n'est pas très loin. Et donc, les communautés du compost, ce sont des communautés qui, d'une certaine manière, essayent de recomposer avec les autres vivants, de recomposer avec la terre, de réparer, de restaurer des lieux qui ont été complètement détruits et d'aider des animaux qui ont peu de chances de s'en sortir, que ce soit dans leur migration ou dans leur vie. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Donna Haraway? Elle va imaginer une communauté du compost. En fait, on avait commencé dans un atelier d'écriture, on avait commencé à l'imaginer ensemble avec notamment Fabricio Terranova, le réalisateur. Et puis, elle va continuer son petit chemin toute seule, à continuer à imaginer et à nourrir et à peupler cette communauté des composts, qui sera une communauté où des enfants vont être symbiotes avec des animaux en danger. Donc, par exemple, il y aura des camis. Elle porte, une fois qu'on est symbiote avec un papillon monarque, on s'appelle Camille. Et avec des transformations génétiques qui permettent de sentir comme un papillon monarque, avec des devoirs, bref, avec une quantité de choses qui vous transforment, ce qu'elle appelle des suggestions charnelles, pour essayer de penser le monde avec un papillon monarque. Et je me suis dit, je vais reprendre l'idée du compost, des sociétés du compost de Donna, et je vais essayer d'imaginer qu'est-ce que devraient faire des enfants, comment devrait-on élever des enfants pour qu'ils puissent éventuellement être symbiotes d'un poulpe, sans manipulation génétique. J'avais décidé de m'en passer. Et donc, symbiote d'un poulpe, eh bien, ça veut dire quelle serait la grammaire qu'on serait obligé de parler. Mais alors, le jeu, vous oubliez. Si vous avez déjà 8 intelligences, au moins, qui ne se coordonnent pas nécessairement tout le temps, votre jeu, vous laissez tomber. La voix active, vous la gardez ou vous la laissez tomber? Bah, peut-être qu'on doit passer par la voix passive, mais non. C'est-à-dire pas qu'on est plutôt, on serait être un poulpe en termes de grammaire, ou être un poulpe même tout court, ce serait plutôt être agi plutôt que agissant et actif. C'est-à-dire que plutôt dans des faire agir qui se trouveraient en multiplicité à l'intérieur d'une même personne. Et puis vous faites ça, vous faites cette expérience de pensée, vous retrouvez Nietzsche. Et Nietzsche qui dit, mais vous ne vous débarrasserez jamais de Dieu tant que vous ne vous débarrasserez pas de la grammaire. C'est Nietzsche qui dit, il y a un jeu qui est maître et souverain, et, enfin bref, qui fait tout un développement. Et puis une fois vous faites ça, et puis vous vous dites, mais tout compte fait, cette expérience où il y a une multiplicité de jeux, où on peut se laisser appâter par ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est pas une expérience? Et puis vous allez lire un petit peu à droite et à gauche, et puis vous remarquez qu'il y a des musiciens qui vous parlent de cette expérience et qui disent, si je contrôlais mes mains, les bons musiciens, avec ma tête, quand je joue au piano, ça donnerait pas grand-chose. Il y a un moment donné où c'est le corps qui agit, c'est les mains qui agissent, c'est le piano qui vous fait agir, parce qu'il faut pas oublier le piano. Vous avez un aveugle qui a écrit, Jacques Lucéran, qui a écrit de très très beaux textes sur qu'est-ce que veut dire être dans un monde non-voyant, et qu'est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on sent le monde. Et vous rendez compte qu'il sent, il dit, je peux dire le nom des arbres à l'odeur de leur ombre. Enfin, vous avez un univers multisensoriel qui commence à s'éveiller. Et vous rendez compte que faire une expérience de pensée, de telle sorte avec les, en imaginant qu'est-ce que voudrait dire vivre avec des poulpes, qu'est-ce que voudrait dire éduquer un enfant de telle sorte à ce qu'il puisse, non pas être un poulpe, il faut pas, ce serait... Mais vivre avec. Vivre avec et vivre sur un mode de sensation qui permettrait peut-être de comprendre un peu mieux les poulpes, ben vous rendez compte qu'en fait, c'est présent chez nous, mais sous des formes qui demandent d'une culture très intense. Et ça, c'est intéressant. Alors, vous avez cité Donna Haraway, Vinciane Després. Justement, j'ai un texte de Donna Haraway sous les yeux. C'est dans Vivre avec le troupe, dans son chapitre 2, une pensée tentaculaire. Et elle dit, les figures tentaculaires ne sont pas désincarnées. Ce sont des cnidaires, des araignées, des êtres pourvus de doigts comme les humains ou les ratons laveurs, des calamars, des méduses, des déploiements somptueux de neurones, des flagellés, des tresses de myofibrilles, des tapis enchevêtrés ou feutrés de microbes ou de champignons, des plantes grimpantes, exploratrices, des racines protubérantes, des vrilles qui se hissent et s'accrochent. Ce sont encore des et des réseaux, des bestioles, des technologies de l'information et de la communication. La tentacularité relève de la vie vécue le long des lignes, pas en des points ou des sphères, et des lignes, il y en a pléthore. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta net. Puis je vis 7 de ces horribles bêtes s'accrocher aux vitres du sous-marin. Le grincement de leur bec sur le verre était horrible. Le capitaine Nemo entra. L'hélice s'est arrêtée. Je pense que les mandibules de l'une de ces bestioles se sont engagées dans ses branches. Suivant le capitaine Nemo, nous nous dirigeâmes vers l'escalier central où une dizaine d'hommes se tenaient prêts à l'attaque. D'un coup de hache, le capitaine coupa le tentacule. Au moment où nous nous pressions pour atteindre la plateforme, deux autres bras cinglaient l'air, s'abattant sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l'enlevaient dans les airs. Le pauvre homme, balancé en tous sens, poussa un cri déchirant. Il râlait. Il étouffait. Il criait au secours. Quand le capitaine Nemo et son second voulurent se jeter contre le monstre, celui-ci lança une colonne d'un liquide noirâtre et nous fûmes tous aveuglés. Quand ce nuage se fut dissipé, la bête avait disparu et avec elle ce pauvre homme. On vient d'entendre un extrait évidemment de 20 milieux sous les mers. Alors là, c'est le contraire de ce qu'on vient de décrire, Vinciane Després, à savoir un rapport véritablement, alors déjà un petit peu légendaire, mais vraiment de, on revient au poulpe un petit peu qui est l'ennemi avec lequel on ne vit pas, mais avec lequel on doit combattre. Ce qui est tout le contraire du texte que j'ai lu de Donna Haraway, où il s'agit vraiment non pas de vivre comme un poulpe, mais effectivement de plutôt que de penser un corps à corps entre deux substance, c'est un objet, un sujet qui va lutter contre un objet mauvais. Là, véritablement, avec Donna Haraway, on va essayer de viser une sorte de symbiose où la pensée va se démultiplier en sorte de fibres. Elle le dit, hein, le texte est très beau, des plantes grimpantes, des racines protubérantes. C'est une pensée vraiment réticulaire avec elle. Alors c'est une pensée réticulaire et puis donc pour elle est tentaculaire, c'est-à-dire on va toucher. Je pense que le tentacule c'est deux choses. C'est à la fois sortir de l'idée et c'est ça qui est intéressant et c'est là où le poulpe de nouveau nous intéresse. C'est sortir de l'idée qu'il y a un cerveau central qui commande, qui légifère, etc. C'est sortir de l'idée de la centralité. Sortir de l'idée de la profondeur, je veux dire, oui, bien sûr, on est terrestre, ce sont des forces, elle dit elle-même, knotiennes, telluriques, on est dans le fond de l'eau, etc. Mais c'est-à-dire sortir de l'idée d'aller vers le ciel, que le cosmos serait plutôt orienté vers le ciel. C'est à la fois tentaculaire aussi au sens de goûter, de sentir, de palper, de prendre. Bref. Et c'est chez Donna Haraway, je pense, cette merveilleuse idée, d'une certaine manière, des racines, mais qui, pas des racines qui s'enfoncent dans le sol, des racines qui vont toucher à des champignons, qui vont se mêler les unes aux autres. Donc c'est vraiment de créer des réseaux. Et les réseaux, chez Donna Haraway, il y a quelque chose de très intéressant en même temps, c'est qu'il y a, en effet, c'est une pensée symbiotique, mais c'est surtout une pensée de la symbiogenèse, c'est-à-dire de qu'est-ce qui crée de la symbiose et qu'est-ce que la symbiose crée. Et par exemple, est-ce qu'on peut parler justement de communauté? Est-ce que la symbiose, ça revient à faire communauté politique, ou est-ce que c'est différent? Alors, c'est un peu compliqué, c'est que je pense qu'elle insiste surtout sur le fait que, et c'est là où il n'y a pas de volonté, je veux dire, il n'y a pas de totalisation possible. C'est ça qui est intéressant aussi avec le réseau tentaculaire. C'est que, et elle reprend une phrase de Tom Van Doren en disant, il est vrai que toutes les choses sont connectées, mais tout n'est pas connecté à tout. En revanche, chaque chose est connectée à au moins une autre. Et donc, il n'y a pas de pensée totalisante, je vais dire, c'est par des réseaux et des bricolages que se font, en effet, les communautés. Et donc, pas du tout une communauté préexiste et puis des réseaux vont se créer en son sein. Non. Et parfois, les réseaux vont chercher hors ce qu'on pourrait imaginer être communauté. Notamment, c'est ça aussi le fait des relations interspécifiques. Et ramener dans la communauté par un système de réseau, d'une certaine manière, en tout cas toucher où la communauté se déploie et ramifie avec des êtres inattendus. J'ai commencé à voir des choses extraordinaires. Elles peuvent avoir un aspect épineux ou bien lisse. Dresser des cornes sur leur tête. Elles savent reproduire des couleurs, des textures, des motifs. C'est splendide. Le plus souvent, elles se propulsaient. Elles rampaient ou elles nageaient. Mais parfois, elles déployaient deux jambes. Elles marchaient. Et elle s'éloignait avec une démarche de bipède. Elle pouvait adopter une posture évoquant une pierre. Puis elle se changeait en une vieille dame dans sa robe, toute chancelante. Peut-être pour imiter une algue agitée par la houle, s'éloignant lentement. Elle révélait ainsi ses dons exceptionnels pour le camouflage. Alors, on vient d'entendre un extrait de La Sagesse de la Pieuvre. C'est le film documentaire de Pippa Ehrlich et James Reed qui est sorti en 2020. et qui a reçu, il faut le dire, quand même l'Oscar 2021 du meilleur documentaire. C'est dire si La Pieuvre et Le Poulpe ont le vent en poupe, si j'ose dire. On entend bien dans cet extrait cette idée justement de symbiose, mais peut-être, et c'est là où on peut faire peut-être une sorte de critique, ou en tout cas vraiment essayer d'affiner cette idée de penser ou d'être comme un poulpe ou de vivre avec les poulpes, c'est qu'il ne s'agit pas non plus à chaque fois de se mettre dans la peau d'eux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une forme aussi de mode de pensée qui consiste à se mettre à la place d'eux et qui parfois, en fait, est insuffisante ou même artificielle. Là, on l'entend un petit peu dans cet extrait, c'est-à-dire, bon, peut-être que la musique n'aide pas, en fait, à comprendre cette symbiose, mais il y a quelque chose d'artificiel dans cette symbiose qui ne marche pas et qui, surtout, je trouve, contredit l'idée de camouflage, de jeu et de solitude du poulpe. Mais tout à fait, c'est moi ce qui me gêne un peu, en effet, dans ce commentaire. Qui vous chagrine. Ce qui me chagrine, oui, c'est beaucoup plus joli, voilà, ce qui me chagrine. C'est en effet que c'est encore la symbiose romantique. Je veux dire, c'est terriblement romantique, ce documentaire. À divers égards, c'est vraiment une histoire de rédemption, hein, l'homme blanc en burn-out, l'homme blanc gâté en burn-out, et qui d'un seul coup perd son âme et qui va se retrouver à pouvoir retrouver dans une merveilleuse relation d'amitié dont il pense qu'elle est réciproque avec un poulpe, et en plus une poulpe, donc c'est encore plus romantique, qui va pouvoir être guéri des péchés de la civilisation. Il y a quelque chose quand même d'un peu traditionnel comme type de scénario. Mais bon, là, avant c'était la religion ou l'amour avec un être humain, et là maintenant c'est les poulpes. Maintenant, c'est les poulpes qui entrent donc dans la grande catégorie des possibilités rédemptives pour l'homme blanc occidental blessé. Bref. Mais c'est cette symbiose romantique qui est d'une très grande pauvreté, finalement, hein, de pauvreté d'imagination. Et sa manière de décrire le camouflage, c'est... Moi, je me disais, c'est dommage parce que quand on voit ces camouflages, quand on voit les images qui sont très très belles, hein, cet documentaire, je ne vais pas dénigrer, les images sont vraiment superbes, mais quand on voit le camouflage, ça ressemble à une vieille dame, ça ressemble, etc. Mais c'est d'une certaine manière nier tout ce que ce camouflage porte comme richesse, parce que c'est quand je citais au début de l'émission Bertrand Prévost qui dit c'est du vol d'apparence, c'est des devenirs, c'est des lignes de devenir, c'est des lignes de devenir imperceptibles. Et en faire, il a comparé à ce que lui voit, sans penser à d'une certaine manière, mais à partir qu'est-ce qui a été capturé, à quoi est-ce que ça rend attentif dans l'environnement, enfin dans le milieu du poulpe, quel est le rocher qui a été capturé, quelle est l'image de l'algue qui a été capturée. Et c'est à peine s'il l'évoque, lui, il est parti dans ses propres images, où il nous fait un espèce, avec la musique en plus, moi je me suis dit, mais j'ai l'impression comme je ne voyais pas les images, puisqu'on était rien qu'à l'auditif, je me disais, mais tiens, mais à Walt Disney pourrait peut-être venir derrière, quoi, la vieille dame, je veux dire, cette transformation, c'est un dessin animé, et ça dit quelque chose en effet, de cette difficulté à ne pas ramener à soi. Et effectivement, le poulpe nous oblige pourtant à ça déjà, parce qu'on va revenir quand même sur cette idée de camouflage qui est vraiment intéressante, parce qu'on pourra aussi revenir sur les jets d'encre qu'on a entendus dans 20 milieux sous les mers, hein, qui sont vraiment des armes en fait pour se protéger de l'autre. Mais que ce soit les jets d'encre ou le camouflage, on pourrait très bien aussi interpréter ça, non pas comme des fonctions pour se protéger ou des fonctions de prédation, mais aussi comme des manières de s'exprimer. C'est-à-dire, quand vous dites que le camouflage capte quelque chose de l'environnement, on pourrait aussi très bien se dire que là, le poulpe exprime, en fait, devient une sorte de... fait partie de l'environnement, il donne à voir l'environnement, il crée quelque chose de l'environnement. Et de la même manière avec ces jets d'encre, et c'est d'ailleurs ce que vous faites dans l'autobiographie d'un poulpe, c'est-à-dire que vous imaginez le fait que ces jets d'encre ne soient pas juste des traces inexpressives et involontaires, mais soient vraiment en fait des traces où on puisse peut-être y déceler une forme d'expression du poulpe. Alors effectivement, qu'il ne soit pas avec un sujet, le poulpe ne dit pas je, mais qui néanmoins disent quelque chose. Alors c'est une fabulation sur oui. laquelle j'ai opéré en disant, puisque je partais d'une fabulation, en imaginant que des chercheurs un peu imaginatif dans un futur un peu plus lointain que celui des communautés du compost de Donna Haraway, pourrait imaginer de découvrir que certes, les modalités expressives de nombre d'animaux, quelles qu'elles soient, ne sont pas aussi simplement expression d'un soi émotionnel sur le moment, hein, j'ai peur, j'ai froid, etc., mais que ce seraient des formes poétiques et littéraires. Donc on imagine des chercheurs dans le futur qui décide d'étudier toutes les productions expressives comme non seulement des productions artistiques, ce qui est déjà possible de faire parce qu'on a quand même de beaux exemples d'analyse de ce type-là avec Gilles Deleuze et Félix Guattari, avec Étienne Souriot qui disent le chant de l'oiseau, c'est la naissance de l'art, ou bien les traces, les marques sur les territoires, c'est la naissance de l'art, ou Michel Serres qui dit les traces, les marques et tout, ce sont des formes d'écriture. La preuve, c'est qu'un bon chasseur peut lire les traces du sanglier, et donc ce sont des formes d'écriture qui sont en partie intentionnelle et volontaire. Je dis quelque chose aux autres. Il suffit de voir son chien ou sa chienne se promener même dans les rues de Paris pour savoir qu'il y a des échanges de courriers. C'est vraiment ça. Et où on dit des choses délibérément. On ne fait pas n'importe où. On le fait à certains endroits, à certains spots et tout, et on se répond. Bref. Alors, pour en revenir à cette histoire de poulpe et de camouflage, donc l'expérience fabulatoire que j'avais envie de mettre en scène, c'est de dire si des spécialistes de la littérature animale, tels qu'ils le deviendraient, s'intéressent aux poulpes, qu'est-ce qu'ils vont voir? Comment est-ce qu'ils vont imaginer que le poulpe écrit? Eh bien, en fait, il y a le camouflage et il y a deux sortes de camouflage. C'est ça qui est intéressant. Il y a le premier camouflage où le poulpe change de couleur. Avec une question, c'est comment, qui maintenant serait en partie résolue, mais comment peut-il percevoir la couleur qui l'entoure pour prendre cette couleur, alors que ses yeux, normalement, ne permettent pas de bien voir les couleurs. Et donc, certains scientifiques ont imaginé que le poulpe, en fait, capte le monde avec sa peau. C'est-à-dire que c'est la peau qui traduit la luminosité de ce qui l'entoure et qui, d'une certaine manière, la traduit dans les couleurs de ce qui l'entoure. C'est ainsi qu'il peut... Alors, mes linguistes, ce que j'appelle à la suite de la... Vos terro-linguistes. Terro-linguistes de terre, animal sauvage. Donc, c'est une idée de Ursula Le Guin, l'écrivaine de science-fiction américaine. C'est de dire, mes terro-linguistes, qu'est-ce qu'ils vont voir avec ça? Ben, ils vont essayer de voir, tiens, mais si c'est possible que le camouflage soit une forme d'écriture, comment est-ce qu'on l'imagine? Ben, au départ, c'est quoi le camouflage? Ben, au départ, en fait, c'est pas du camouflage. Au départ, c'est simplement capter les couleurs environnantes pour voir où on est. Donc, le sable. C'est vraiment une fonction de vision. D'orientation. En reproduisant la couleur, vous savez, votre corps vous dit ce qui se passe autour de vous. C'est votre corps qui est votre œil. Enfin, le corps est un espèce d'énorme œil, un plat de capteurs, etc. Et puis. Déjà, ça, c'est quand même impressionnant. Et ça, c'est impressionnant. Et ça, je le trouve dans la littérature scientifique. C'est contesté, mais c'est dans la littérature scientifique. C'est pas totalement contesté, en plus. C'est pas ça qui est contesté. C'est le fait que l'œil ne verrait pas, en fait. Ils disent, non, c'est plus compliqué que ça. Et puis, après, est-ce qu'on peut imaginer, ça devient un camouflage. Ben, ça veut dire que c'est plus voir qui est en question. D'une certaine manière, ce n'est plus voir, c'est ne pas être vu. Et puis on constate que les poulpes vont utiliser, et ça les scientifiques le disent aussi, vont utiliser les couleurs pour exprimer des choses aux autres. On peut exprimer la colère et ça. Donc on passe de je capte pour voir, et puis je capte pour ne pas être vu, et puis je capte pour faire voir aux autres, donc pour être vu. Eh bien, on est dans le signal, on est dans la communication, et quand on voit un poulpe rêver, il y a des très belles vidéos sur Internet, vous voyez que toute sa vie mentale passe dans les couleurs de son corps. Par exemple, il reste au même endroit et on le voit quand même changer de couleur. Et prendre des couleurs, visiblement, qui seraient, d'après l'interprète, bon, c'est contesté aussi, mais qui seraient selon la personne qui l'observe, selon le scientifique qui l'observe, qui seraient les couleurs de l'imagerie qu'il se fait du monde qui l'entoure, donc d'une image onirique. Il imagine être dans des algues, il prend la couleur des algues parce qu'il est en train de se camoufler, parce qu'il imagine qu'il y a un crabe qui arrive et qu'il va pouvoir l'attraper. C'est la recomposition du rêve tel que le fait le scientifique d'après les changements de couleur. Et donc on est dans l'ordre de la fabulation, et de la fabulation de ma part, mais de la fabulation du poulpe aussi. Une fois que vous commencez à rêver, vous commencez à créer des récits. Et donc mes terro-linguistes vont imaginer capacité de créer des récits en changeant la couleur. Et puis une deuxième possibilité, et c'est celle qu'ils eux vont étudier parce qu'elle est plus facile pour eux, c'est que quand le poulpe crache de l'encre pour se camoufler, ça peut créer soit une espèce de voile, un rideau qui se baisse, et puis ils ont le temps de disparaître. Entend dans 20 minutes sous les mers, voilà, d'ailleurs. C'est ça. Le rideau se baisse et ils ont le temps de disparaître puisque les autres ne le voient plus. Donc c'est un nuage de fumée, si vous voulez. Mais Cousteau. Comme un magicien, d'ailleurs. Cousteau avait observé, déjà dans les années 50, que parfois c'était pas un rideau et que parfois ça prenait, en fait c'était un leurre et ça prenait la forme, une espèce de forme de pieuvre ou de poulpe, c'est-à-dire une forme ronde avec une queue qui traînait. Et une sorte de signature presque. Une sorte alors. De signature. Alors, Cousteau avait dit, c'est la création d'un leurre, ça ressemble à un poulpe, ça veut dire que le prédateur se laisse attrapé par le leurre, c'est-à-dire il va poursuivre plutôt cette tache d'encre et il ne va pas voir le poulpe qui disparaît pendant ce temps-là. Donc il prend la proie pour l'ombre, avait dit Cousteau très joliment. Et les ptérolagus vont imaginer, oui mais attendez, cette forme-là que je viens de décrire, ça ressemble à un phylactère. Est-ce que c'est... Alors eux, ils se disent, ça pourrait être des formes expressives, ce qui ferait que les poulpes finalement... Ben, de toutes les façons d'être éloignés qu'ils ont de nous, il y a peut-être une chose que nous aurions eu en commun, nous, gens contemporains, c'est qu'on utilise de l'encre pour écrire et que le poulpe aurait peut-être pu utiliser de l'encre pour laisser des messages à autrui. Alors là, ça c'est vraiment un récit que vous imaginez, Vinciane Després, mais est-ce qu'on peut aussi très concrètement se poser cette question-là, se demander si finalement les poulpes, en fait, au-delà d'en faire une phénoménologie, au-delà d'essayer de voir à partir des données biologiques qu'on a, comment, quel est leur rapport au monde et comment ça peut déstructurer nos catégories de pensée, est-ce qu'on peut imaginer une communication autre que cette symbiose un petit peu artificielle qu'on entend dans La naissance de la pieuvre ? Alors là, c'est oui, et c'est exactement, c'est très joli ce que vous proposez là. C'est en effet d'autres formes de communication qui ne seraient pas en effet. Vous savez, moi c'est l'anthropologie qui m'a terriblement guidée. Et il y a des anthropologues comme par exemple l'anthropologue française Monique Judy-Bellini qui dit à un moment donné à quel point, par exemple, nos propositions d'amitié à l'égard des autres chez qui on vit, donc elle est en Nouvelle-Guinée-Papouasie, eh bien d'une certaine manière, c'est des propositions tellement ethnocentrées. À un moment donné, elle est avec le fils de la famille. Elle s'est fait adopter par la famille, comme beaucoup d'anthropologues, jeunes femmes, faisant sa thèse de doctorat. Et elle va lui dire, oui, mais enfin, tu sais bien, nous deux, on s'aime bien. Et lui répond, mais ça, c'est des foutaises pour blanc. C'est ce dont tu me parles. Et je trouve que c'est très joli. Et elle dit, c'est vraiment intéressant. On va voir les autres parce qu'on cherche leur exotisme. Mais quand ils se manifestent, on aurait bien voulu que ce soit pas celui-là. Et ou qu'ils soient sur le modèle qu'on comprenne. Et un modèle d'exotisme qui nous convient, qui nous choque pas, qui nous offense pas. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire, bon, mais quelle relation avec les poules qui ne passe pas par de l'amour, qui ne passe pas par des amitiés... qui ne passe pas par la parole. Qui ne passe pas par la parole. Mais par quoi ça va passer ? Ben voilà, c'est ça. Baptiste Morisot parle d'égards ajustés. Pour moi, on est déjà dans quelque chose qui commence à ressembler, c'est-à-dire de la considération, de l'intérêt. Et je pense que là, je suis terriblement stengersienne, donc de Isabelle Stenger, c'est de la curiosité, simplement de la curiosité. Et de la curiosité pour ce qui est autre. C'est de nouveau, je reviens à ce livre de Barbara Cassin qui dit, mais quelle idée ridicule d'aller sur Mythique, par exemple, pour chercher quelqu'un qui est le même que vous, alors que ce qui fait vraiment la valeur d'une relation, c'est peut-être justement le fait d'être avec quelqu'un qui est terriblement autre que vous. Mais d'abord chercher comment les poulpes sont autres, en quoi ils sont un peu proches quand même, parce que tout le monde n'en sort pas. Il faut quand même un minimum. Et puis voir, voilà, c'est ça, c'est de la curiosité, simplement. Je pense que c'est ça qui a beaucoup manqué. Je veux dire, quand on parle de la disparition de l'intérêt, du concernement, de l'intérêt pour le vivant, de la manque de sensibilité, etc. Bon, enfin, tout ce qu'on raconte, je pense qu'il y a aussi un manque terrible de curiosité qui nous a un moment accablés, mais qui est heureusement en train de trouver. Je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour le moment. Les gens redeviennent curieux. Merci beaucoup Vinciane Després. On se quitte sur Syd Barrett Octopus. C'est une idée de Jules Barbier qui a préparé cette émission et on aime beaucoup. Je rappelle que de vous, Vinciane Després, on peut lire Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation. C'est aux éditions Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. On peut aussi lire dans cette même collection Habité en oiseau. Et puis aux éditions Belin, vous êtes co-autrice avec Éric Baraté et Claude Beata de l'ouvrage Chien-chat, pourquoi tant d'amour. Et nous mettrons tous vos autres livres sur le site à la page des Chemins de la Philosophie. Vous écoutez France Culture, il est presque 10h55 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Une belle question philosophique, une profonde question philosophique, mais c'est aussi plus et autre chose qu'une question philosophique. Écoutez plutôt. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et leurs baisers au loin les suivent ? Voilà, donc ça n'est pas seulement une question philosophique, c'est aussi une exclamation humaine dans un poème d'Aragon, chanté ici par Léo Ferré d'une manière inoubliable. Et c'est cela qui doit nous surprendre. Comment se fait-il que les êtres humains s'étonnent d'eux-mêmes, s'exclament au point d'en faire un objet de poésie et de culture, de ce qu'on appelle aussi les humanités, et n'est-ce pas là le cœur de l'humanité, finalement, ces exclamations et ces expressions littéraires, poétiques, et dans la chanson elle-même, qui vont peut-être plus loin que la philosophie qui la précède. Ici, c'est une chanson mélancolique qui semble s'étonner d'un malheur humain, d'abord individuel, c'est le malheur du poète, par exemple un vers extraordinaire qui exprime le passage du temps, cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, cela n'a l'air de rien, mais on passe de léger à lourd par le changement même dans le vers lui-même, cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, à quoi bon être humain finalement si tout passe, mais la chanson devient de plus en plus tragique, de plus en plus mélancolique. Et on découvre peu à peu que cet être qui chante et qui est désespéré, qui trouve sa consolation dans les bras des filles, eh bien finalement, l'une de ses filles, une prostituée, sans doute dans un village à la frontière allemande, s'est faite poignarder par un soldat dans cette ville frontière. Une prostituée du nom de Lola. Et il plongea son couteau entre les seins de Lola dans les hoquets du pianola. Une chanson qui évoque donc les violences internes aussi à l'humanité, la manière dont les femmes et les hommes se font violence, dont les femmes peuvent être soumises à la prostitution, puis au crime, avec une mélancolie qui fait aussi que, comme dans d'autres chansons, l'amour s'exprime jusque dans cette détresse ou dans cette désolation. Et les chansons des êtres humains, les chansons les plus belles, les œuvres d'art, expriment toujours les relations les plus extrêmes, l'amour qui peut donner lieu à la perte, ou inversement le crime, qui peut réveiller aussi la mélancolie pour tous les êtres humains. Vous l'avez entendu, est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent, ce qui veut dire à la fois qu'ils disparaissent, sans doute, mais qu'ils ne disparaissent jamais tout à fait, qu'il y a comme un prolongement que la culture elle-même produit. Qu'est-ce donc l'humanité, sinon cette espèce qui s'exclame sur elle-même, qui s'adresse à elle-même, qui s'interroge elle-même et qui, dans cette exclamation partagée, ouvre sur la philosophie. Ces chansons ne sont pas seulement de la philosophie qu'on dit populaire. Ce ne sont pas seulement non plus des bons sentiments, c'est la source même des questions dans ces exclamations. Et ici, Aragon et Léo Ferré rejoignent peut-être l'un des premiers poèmes humains. Peut-être il faut en citer deux. Le cœur dans Antigone, quelle chose terrible que l'homme. Et puis, évidemment, François Villon dans son célèbre testament qui s'adresse à la postérité d'une manière inoubliable. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez point contre nous les cœurs trop endurcis, mais ayez plutôt de nous merci. Merci à vous Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasalle, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Arthur Dumont et Hélène Losseur à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur les poulpes, mais aussi toutes celles de cette série sur les animaux, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture ou aussi à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain pour notre émission du vendredi sur les objets inattendus de la philosophie. Et demain, nous parlerons de la pluie et du beau temps. Bah oui, voilà, c'est ça, de la météo. Et ce sera avec Anouchka Vazak.